sachant que nous ne pouvons rien y faire, que nous ne pouvons rien changer. J'aurais pourtant voulu te dire combien je t'ai aimé. Je n'ai plus que toi, je n'aimais que toi. Je n'aimais plus que toi, je n'aimais que toi. Derrière nous les sentiments qui n'ont fait que nous lasser. Et même si rien n'effacera le chagrin qui est maintenant sur moi, j'aurais pourtant voulu te dire combien je t'ai aimé. Je n'aimais que toi. Je n'aimais plus que toi. Je n'aimais que toi. Je n'aimais plus que toi.